Section 4 de Compilation de pensées, textes et poésies de François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement de LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johanne. De la monarchie selon la charte de François-René de Chateaubriand. Chapitre 14. Substitution. Quelles sont de l'essence de la pairie ? Je ne répéterai point sur les honneurs et les privilèges à accorder à la pairie ce que j'ai dit dans les réflexions politiques. J'ajouterai seulement qu'il faudra, tôt ou tard, rétablir pour les pairs l'usage des substitutions par ordre de primogéniture. Passer des lois romaines dans nos anciennes lois, mais pour y maintenir d'autres principes, les substitutions entrent dans la constitution monarchique. Le retrait lignagé en serait un appendice heureux. Inventé à l'époque où les fiefs devinrent héréditaires, il rattacherait la dignité à la glèbe. Et la terre noble ferait le noble plus sûrement que la volonté politique. Stat fortuna domus et avi nomerantur avorum. Tel est le moyen de rétablir en France des familles aristocratiques, barrière et sauvegarde du trône. Sans privilège et sans propriété, la pairie est un mot vide de sens, une institution qui ne remplit pas son but. Si la Chambre des pairs a moins d'honneurs et de propriétés territoriales que la Chambre des députés, la balance est rompue. Le principe de l'aristocratie est déplacé et va se réunir au principe démocratique dans la Chambre des députés. Cette dernière Chambre acquerra alors une prépondérance inévitable et dangereuse, en joignant à sa popularité naturelle l'égalité des titres et la supériorité de la fortune. Quand ? Et comment faut-il exécuter ce que je propose pour la Chambre des pairs ? On la prendra du temps. Mais quoi qu'on fasse, il faudra en venir là où la monarchie représentative ne se constituera pas en France. Au reste, les séances de la Chambre des pairs doivent être publiques, sinon par la loi, du moins par l'usage, comme en Angleterre. Sans cette publicité, la Chambre des pairs n'a pas assez d'action sur l'opinion et laisse encore un trop grand avantage à la Chambre des députés. L'intérêt du ministère réclame également cette publicité. L'attaque légale contre les ministres commence à la Chambre des députés et la défense a lieu dans la Chambre des pairs. L'attaque est donc publique tandis que la défense est secrète. Les principes de deux jurisprudences opposées sont donc employés dans le même procès. Il y a contradiction dans la loi et lésion pour la partie. Quittons la Chambre des pairs, venons à la Chambre des députés. Chapitre 15. De la Chambre des députés, ses rapports avec les ministres. Notre Chambre des députés serait parfaitement constituée si les lois sur les élections et sur la responsabilité des ministres étaient faites. Mais il manque encore à cette Chambre la connaissance de quelques-uns de ses pouvoirs, de quelques-unes de ses vérités, filles de l'expérience. Il faut d'abord qu'elle sache se faire respecter. Elle ne doit pas souffrir que les ministres établissent en principe qu'ils sont indépendants des chambres, qu'ils peuvent refuser de venir lorsqu'elles désireraient leur présence. En Angleterre, non seulement les ministres sont interrogés sur des bills, mais encore sur des actes administratifs, sur des nominations et même sur des nouvelles de gazette. Si on laisse passer cette grande phrase que les ministres du roi ne doivent compte qu'au roi de leur administration, on entendra bientôt par « administration » tout ce qu'on voudra. Des ministres incapables pourront perdre la France à leur aise, et les chambres, devenues leurs esclaves, tomberont dans l'avilissement. Quels moyens les chambres ont-elles de se faire écouter ? Si les ministres refusent de répondre, elles en seront pour leur interpellation, compromettront leur dignité et paraîtront ridicules, comme on l'est en France quand on fait une fausse démarche. La Chambre des députés a plusieurs moyens de maintenir ses droits. Elle tirera ses moyens du temps et des circonstances. Posons donc les principes. Les chambres ont le droit de demander tout ce qu'elles veulent aux ministres. Les ministres doivent toujours répondre, toujours venir, quand les chambres paraissent le souhaiter. Les ministres ne sont pas toujours obligés de donner les explications qu'on leur demande. Ils peuvent les refuser, mais en motivant ce refus sur des raisons d'État, dont les chambres seront instruites quand il sera temps. Les chambres traitées avec cet égard n'iront pas plus loin. Lorsqu'un ministre a désiré d'obtenir un crédit de 6 millions de rentes sur le grand livre, il a donné sa parole d'honneur, et les députés n'ont pas demandé d'autres éclaircissements. Foi de gentilhomme est un vieux gage sur lequel les Français trouveront toujours à emprunter. D'ailleurs, les chambres ne se mêleront jamais d'administration, ne feront jamais de demandes inquiétantes. Elles n'exposeront jamais les ministres à se compromettre si les ministres sont ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire maîtres des chambres par le fond et leurs serviteurs par la forme. Quel moyen conduit à cet heureux résultat ? Le moyen le plus simple du monde. Le ministère doit disposer de la majorité et marcher avec elle. Sans cela, point de gouvernement. Je sais bien que cette espèce d'autorité que les chambres exercent sur le ministère pendant les sessions rappellent à l'esprit les envahissements de l'Assemblée constituante. Mais, encore une fois, toute comparaison de ce qui est aujourd'hui à ce qui fut alors est boiteuse. L'expérience de nos temps de malheur n'autorise point à dire que la monarchie représentative ne peut pas s'établir en France. Le gouvernement qui existait à cette époque n'était point la monarchie représentative fondée sur ses principes naturels par la véritable division des pouvoirs. Une assemblée unique, un roi dont le veto n'était pas absolu. Qu'y a-t-il de commun entre la constitution laissée par l'assemblée constituante et l'ordre politique établi par la charte? Usons de cette charte. Si rien ne marche avec elle, alors nous pourrons affirmer que le génie français est incompatible avec le gouvernement représentatif. Jusque-là, nous n'avons pas le droit de condamner ce que nous n'avons jamais eu. Chapitre 16. Que la Chambre des députés doit se faire respecter au dehors par les journaux. La Chambre des députés ne doit pas permettre qu'on l'insulte collectivement dans les journaux ou qu'on altère les discours de ses membres. Tant que la presse sera captive, les députés ont le droit de demander compte au ministère des délits de la presse. Car dans ce cas, ce sont les censeurs qui sont coupables, et les censeurs sont les agents des ministres. Lorsque la presse deviendra libre, les députés doivent mander à la barre le libelliste ou le faire poursuivre dans toute la rigueur des lois par devant les tribunaux. En attendant l'époque qui délivrera la presse de ses entraves, il serait bon que la Chambre eût à elle un journal, où ses séances, correctement imprimées, deviendraient la condamnation ou la justification des gazettes officielles. Mais ce qu'il faut surtout, c'est la liberté de la presse. Que la Chambre se hâte de la réclamer. Je vais en donner les raisons. Chapitre 17. De la liberté de la presse. Point de gouvernement représentatif sans la liberté de la presse. Voici pourquoi. Le gouvernement représentatif s'éclaire par l'opinion publique et est fondé sur elle. Les chambres ne peuvent connaître cette opinion si cette opinion n'a point d'organe. Dans un gouvernement représentatif, il y a deux tribunaux, celui des chambres où les intérêts particuliers de la nation sont jugés, celui de la nation elle-même qui juge en dehors les deux chambres. Dans les discussions qui s'élèvent nécessairement entre le ministère et les chambres, comment le public connaîtra-t-il la vérité si les journaux sont sous la censure du ministère, c'est-à-dire sous l'influence d'une des parties intéressées? Comment le ministère et les chambres connaîtront-ils l'opinion publique qui fait la volonté générale si cette opinion ne peut librement s'exprimer? Chapitre 18. Que la presse, entre les mains de la police, rompt la balance constitutionnelle. Il faut, dans une monarchie constitutionnelle, que le pouvoir des chambres et celui du ministère soient en harmonie. Or, si vous livrez la presse au ministère, vous lui donnez le moyen de faire pencher de son côté tout le poids de l'opinion publique et de se servir de cette opinion contre les chambres. La Constitution est en péril. Chapitre 19. Continuation du même sujet. Qu'arrive-t-il lorsque les journaux sont par le moyen de la censure entre les mains du ministère? Les ministres font admirer dans les gazettes qui leur appartiennent tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'a fait, tout ce qu'a dit leur parti intramuros et extra. Si, dans les journaux dont ils ne disposent pas entièrement, ils ne peuvent obtenir les mêmes résultats, du moins ils peuvent forcer les rédacteurs à se taire. J'ai vu des journaux non ministériels suspendus pour avoir loué telle ou telle opinion. J'ai vu des discours de la Chambre des députés mutilés par la censure sur les preuves de ces journaux. J'ai vu apporter des défenses spéciales de parler de tel événement, de tel écrit, qui pouvait influer sur l'opinion publique d'une manière désagréable au ministre. J'ai vu destituer un censeur qui avait souffert 11 années de détention comme royaliste pour avoir laissé passer un article en faveur des royalistes. Mais, j'ai vu, ne finirait jamais. Enfin, comme on a senti que des ordres de la police, envoyés par écrit au bureau des feuilles publiques, pouvaient avoir des inconvénients, on a tout dernièrement supprimé cet ordre, en déclarant aux journalistes qu'ils ne recevraient plus que des injonctions verbales. Par ce moyen, les preuves disparaîtront, et l'on pourra mettre sur le compte des rédacteurs des gazettes tout ce qui sera l'ouvrage des injonctions ministérielles. C'est ainsi qu'à la manière de Buonaparte, on trompe les provinces. C'est ainsi que l'on fait naître une fausse opinion en France, qu'on abuse celle de l'Europe. C'est ainsi qu'il n'y a point de calomnie dont on ait essayé de flétrir la Chambre des députés. Si l'on n'eût pas été si contradictoire et si absurde dans ces calomnies, si, après avoir appelé les députés des aristocrates, des ultra-royalistes, des ennemis de la charte, des jacobins blancs, on ne les avait pas ensuite traités de démocrates, d'ennemis de la prérogative royale, de factieux, de jacobins noirs, que ne serait-on pas parvenu à faire croire ? Il est de toute impossibilité, il est contre tous les principes d'une monarchie représentative, de livrer exclusivement la presse au ministère, de lui laisser le droit d'en disposer selon ses intérêts, ses caprices et ses passions, de lui donner le moyen de couvrir ses fautes et de corrompre la vérité. Si la presse eût été libre, ceux qui ont tant attaqué les chambres auraient été traduits à leur tour au tribunal de l'opinion, et l'on aurait vu de quel côté se trouvaient l'habileté, la raison et la justice. Soyons conséquents, ou renonçons au gouvernement représentatif, ou ayons la liberté de la presse. Il n'y a point de constitution libre qui puisse exister avec les abus que je viens de signaler. Chapitre 20. Danger de la liberté de la presse, journaux, loi fiscale. Mais la liberté de la presse a des dangers. Qui l'ignore ? Aussi, cette liberté ne peut exister qu'en ayant derrière elle une loi forte, immunis lex, qui prévienne la prévarication par la ruine, la calomnie par l'infamie, les écrits séditieux par la prison, l'exil et quelquefois par la mort. Le Code a sur ce point la loi unique. C'est aux risques et périls de l'écrivain que je demande pour lui la liberté de la presse. Mais il la faut, cette liberté, ou encore une fois, la Constitution n'est qu'un jeu. Quant aux journaux, qui sont l'arme la plus dangereuse, il est d'abord aisé d'en diminuer l'abus, en obligeant les propriétaires des feuilles périodiques, comme les notaires et autres agents publics, à fournir un cautionnement. Ce cautionnement répondrait des amendes, peine la plus juste et la plus facile à appliquer. Je le fixerai au capital que suppose la contribution directe de 1 000 francs que tout citoyen doit payer pour être élu membre de la Chambre des députés. Voici ma raison. Une gazette est une tribune. De même qu'on exige du député appelé à discuter les affaires, que son intérêt comme propriétaire l'attache à la propriété commune. De même, le journaliste qui veut s'arroger le droit de parler à la France doit être aussi un homme qui ait quelque chose à gagner à l'ordre public et à perdre au bouleversement de la société. Vous seriez par ce moyen débarrassé de la foule des papiers publics. Les journalistes, en petit nombre, qui pourraient fournir ce cautionnement, menacés par une loi formidable, exposés à perdre la somme consignée, apprendraient à mesurer leurs paroles. Le danger réel disparaîtrait. L'opinion des chambres, celle du ministère et celle du public, seraient connues dans toute leur vérité. L'opinion publique doit être d'autant plus indépendante aujourd'hui que l'article 4 de la charte est suspendu. En Angleterre, lorsque l'habeas corpus dort, la liberté de la presse veille. Sœur de la liberté individuelle, elle défend celle-ci, tandis que ses forces sont enchaînées et l'empêchent de passer du sommeil à la mort. Note. On se retranche dans la difficulté de faire une bonne loi sur la liberté de la presse. Cette loi est certainement difficile, mais je la crois possible. J'ai là-dessus des idées arrêtées dont le développement serait trop long pour cet ouvrage. Chapitre 21. Liberté de la presse par rapport au ministre. les ministres seront harcelés, vexés, inquiétés par la liberté de la presse. Chacun leur donnera son avis. Entre les louanges, les conseils et les outrages, il n'y aura pas moyen de gouverner. S'ils ont tant de susceptibilité, il faut qu'ils quittent la place. Des ministres véritablement constitutionnels ne demanderont jamais que pour leur épargner quelques désagréments, on expose la Constitution. Ils ne sacrifieront pas aux misérables intérêts de leur amour-propre la dignité de la nature humaine. Ils ne transporteront point sous la monarchie les irascibilités de l'aristocratie. Dans l'aristocratie, dit Montesquieu, les magistrats sont de petits souverains qui ne sont pas assez grands pour mépriser les injures. Si dans la monarchie, quelque trait va contre le monarque, il est si haut que le trait n'arrive point jusqu'à lui. Un seigneur aristocratique en est percé de part en part. Que les ministres se persuadent bien qu'ils ne sont point des seigneurs aristocratiques. Ils sont les agents d'un roi constitutionnel, dans une monarchie représentative. Les ministres habiles ne craignent point la liberté de la presse. On les attaque et ils survivent. Il n'y a pas de mal que cette liberté nous débarrasse du médiocre et de l'incapable. Sans doute, les ministres auront contre eux des journaux qui leur rendront la vie dure, mais ils auront aussi des journaux pour eux. Ils seront attaqués et défendus, comme cela arrive à Londres. Le ministère anglais se met-il en peine des plaisanteries de l'opposition et des injures du Morning Chronicle? Que n'a-t-on point dit, que n'a-t-on point écrit contre M. Pitt? Sa puissance en souffrit-elle? Sa gloire en fut-elle éclipsée? Que les ministres soient des hommes de talent, qu'ils sachent mettre de leur parti le public et la majorité des chambres, et les bons écrivains entreront dans leur rang, et les journaux les mieux faits et les plus répandus les soutiendront. Ils seront 100 fois plus forts, car ils marcheront alors avec l'opinion générale. Quand ils ne voudront plus se tenir dans l'exception et contrarier l'esprit des choses, ils n'auront rien à craindre de ce que l'humeur pourra leur dire. Enfin, tout n'est pas fait dans un gouvernement pour des ministres. Il faut vouloir ce qui est de la nature des institutions sous lesquelles on vit, et, encore une fois, il n'y a pas de liberté constitutionnelle sans liberté de la presse. Une dernière considération importante pour les ministres, c'est que la liberté de la presse les dégagera d'une responsabilité fâcheuse envers les gouvernements étrangers. Ils ne seront plus importunés de toutes ces notes diplomatiques que leur attire l'ignorance des censeurs et la légèreté des journaux. Et n'étant plus forcés d'y céder, ils ne compromettront plus la dignité de la France. Chapitre 22. La Chambre des députés ne doit pas faire le budget. La Chambre des députés connaîtra donc ses droits et sa dignité. Elle demandera donc le plus tôt possible la liberté de la presse. Voilà ce qu'elle doit faire. Voici ce qu'elle ne doit pas faire. Elle ne doit pas faire un budget. La formation du budget appartient essentiellement à la prérogative royale. Si le budget que les ministres présentent à la Chambre des députés n'est pas bon, elle le rejette. S'il est bon seulement par parti, elle accepte par parti. Mais il faut qu'elle se garde de jamais remplacer elle-même les impôts non consentis par des impôts de sa façon, ni de substituer au système de finances ministérielles son propre système de finances. Voici pourquoi. Elle se compromet. Le ministre restant est l'exécuteur de ce nouveau budget. Il a à venger son amour-propre, à justifier son œuvre. Dès lors, ennemi secret de la Chambre, ce ne serait que par une vertu extraordinaire qu'il pourrait mettre du zèle à seconder un plan qui a cessé d'être le sien. Il est plus naturel de supposer qu'il l'entravera et le fera manquer dans les points les plus essentiels. Puis, à la prochaine session, il viendra, d'un air modestement triomphant, annoncer à la Chambre qu'elle avait fait un excellent budget, mais que malheureusement il n'a pas réussi, qu'il y a un déficit de 2 millions, que, dans son humble opinion, lui, ministre, avait pensé que le budget proposé par le gouvernement était préférable, mais qu'il avait cédé aux lumières supérieures de la Chambre. Heureux de faire le sacrifice de son expérience au génie de messieurs les députés si éclairés et si bons royalistes. Qu'est-ce que les députés répondront ? Notre budget, diront-ils, n'était peut-être pas excellent, mais il était meilleur que le vôtre. Soit, répliquera le ministre, mais il y a un déficit. Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, et vous n'avez rien à me reprocher. » On sent quel avantage cette position donne à un ministère mal disposé. Comment il peut s'en servir pour calomnier une chambre, pour se confirmer dans de faux systèmes, pour engager des esprits faibles à le suivre. Règle générale, le budget doit être fait par le ministère, et non par la Chambre des députés, qui est le juge de ce budget. Or, si elle fait le budget, elle ne peut demander compte de son propre ouvrage. Et le ministère cesse d'être responsable dans la partie la plus importante de l'administration. Ainsi, les éléments de la Constitution sont déplacés. Mais ces déviations de la ligne constitutionnelle, ces agitations, ces efforts, proviennent, comme tout le reste dans la dernière session, de la lutte du ministère contre la majorité. Que le ministère consente à retourner au principe, et le budget convenu d'avance entre lui et la majorité passera sans altercation, les choses reprendront leur cours naturel, et l'on sera étonné du silence avec lequel les affaires marcheront en France. Soit dit ainsi de la prérogative royale de la Chambre des pairs, de la Chambre des députés. Parlons du ministère. Chapitre 23. Du ministère sous la monarchie représentative. Ce qu'il produit d'avantageux, ces changements forcés. Un avantage incalculable de la monarchie représentative, c'est d'amener les hommes les plus habiles à la tête des affaires, de créer une hérédité forcée de lumières et de talents. Note, réflexion politique. La raison en est sensible. Avec des chambres, un ministère faible ne peut se soutenir. Bientôt, il est percé à jour, coulé à fond. Ses fautes rappelées à la tribune, répétées dans les journaux, livrées à l'opinion publique, amènent en peu de temps sa chute. Je ne cherche donc point, dans un gouvernement représentatif, de causes trop privées au changement des ministres. Quand ces changements sont fréquents, c'est tout simplement que ces ministres ont embrassé de faux systèmes, méconnu l'esprit public, ou qu'ils ont été incapables de supporter le poids des affaires. Sous une monarchie absolue, on peut s'effrayer de la succession rapide des ministres, parce que ces révolutions peuvent annoncer un défaut de discernement dans le prince, ou une suite d'intrigues de cour. Sous une monarchie constitutionnelle, les ministres peuvent et doivent changer jusqu'à ce qu'on ait trouvé les hommes de la chose, jusqu'à ce que les chambres et l'opinion aient fait sortir l'habileté des rangs où elle se tenait cachée. Ce sont des eaux qui cherchent à prendre leur niveau. C'est un équilibre qui veut s'établir. Il y aura donc changement tant que l'harmonie ne sera pas exactement établie entre les chambres et le ministère. Chapitre 24. Le ministère doit sortir de l'opinion publique et de la majorité des chambres. Il suit de là que sous la monarchie constitutionnelle, c'est l'opinion publique qui est la source et le principe du ministère. Principium et fons. Et par une conséquence qui dérive de celle-ci, le ministère doit sortir de la majorité de la Chambre des députés, puisque les députés sont les principaux organes de l'opinion populaire. C'est assez dire aussi que les ministres doivent être membres des chambres, parce que, représentant alors une partie de l'opinion publique, ils entrent mieux dans le sens de cette opinion et sont portés par elle à leur tour. Ensuite, le ministre député se pénètre de l'esprit de la Chambre, laquelle s'attache à lui par cela seul qu'il est au nombre de ses membres et qu'il devient le patron naturel des députés. Chapitre 25. Formation du ministère, qu'il doit être un, ce que signifie l'unité ministérielle. Le ministère, une fois formé, doit être un. Note, réflexion politique, rapport au roi. Cela ne veut pas dire que la différence d'opinion politique dans des hommes de mérite, lorsqu'ils sont encore isolés, soit un obstacle à leur réunion dans un ministère. Ils peuvent y entrer par ce qu'on appelle, en Angleterre, une coalition. Note. M. Canning, qui soutient aujourd'hui le ministère, s'est battu avec Lord Castlereagh pour cause d'opinion politique. Convenant d'abord entre eux d'un système général, faisant chacun les sacrifices commandés par l'opinion et la position des affaires. Mais une fois assis au timon de l'État, ils ne doivent plus gouverner que dans un même esprit. L'unité du ministère ne veut pas dire encore que la couronne ne puisse changer quelques membres du Conseil, sans changer les autres. Il suffit que les membres entrants forment un système homogène d'administration avec les membres restants. En Angleterre, Il y a assez fréquemment des mutations partielles dans le ministère, et la totalité ne tombe que quand le Premier ministre s'en va. Voici pourtant une différence entre les deux pays. Dans notre caractère et dans nos mœurs, je ne crois pas que l'administration puisse jamais changer tout entière, parce que les ministres se retirent. Jamais un homme en France ne sera le chef d'un assez grand parti pour que ce parti s'éloigne avec lui. Sous ce rapport, nos révolutions ministérielles seront plus faciles et moins importantes. Chapitre 26. Que le ministère doit être nombreux. Le ministère doit être composé d'un plus grand nombre de membres responsables qu'il ne l'est aujourd'hui. Il y a tel ministère dont le travail surpasse physiquement les forces d'un homme. On gagne à augmenter le conseil responsable, premièrement de diviser le travail et de multiplier les moyens, deuxièmement d'augmenter le nombre des amis et des défenseurs du ministère dans les chambres et hors des chambres, troisièmement de diminuer autour du ministère les intrigues des hommes qui prétendent au ministère en satisfaisant un plus grand nombre d'ambitions. Chapitre 27. Qualité nécessaire d'un ministre sous la monarchie constitutionnelle. Ce qui convient à un ministre sous une monarchie constitutionnelle, c'est d'abord la facilité pour la parole. Non qu'il ait besoin de cette grande et notable éloquence, compagne de sédition, pleine de désobéissance, téméraire et arrogante, n'étant à tolérer aux cités bien constituées. Note d'Autillet. Non qu'on ne puisse être un homme très médiocre avec un certain talent de tribune, mais il faut au moins que le ministre puisse dire juste, exposer avec propriété ce qu'il veut, répondre à une objection, faire un résumé clair, sans déclamation, sans verbiage. Cela s'apprend, comme toute chose, par l'usage. Ce ministre aura du liant dans le caractère, de la perspicacité pour juger les hommes, de l'adresse pour manier leurs intérêts. Toutefois, il faut qu'il soit ferme, résolu, arrêté dans ses plans, que l'on doit connaître pour les suivre et pour s'attacher à son système. Sans cette fermeté, il n'aurait aucun partisan. Personne n'est de l'avis de celui qui est de l'avis de tout le monde. Chapitre 28. Qui découle du précédent. Un tel ministre aura assez d'esprit pour bien connaître celui des chambres, et toutes les chambres n'ont pas la même humeur, la même allure. Aujourd'hui, par exemple, la Chambre des députés est une chambre pleine de délicatesse. Vous la cabreriez à la moindre mesure qui lui paraîtrait blesser la justice ou l'honneur. Ne croyez pas gagner quelque chose en engageant dans vos systèmes ces chefs et ces orateurs. Elle les abandonnerait. La majorité ne changerait pas, parce que son opposition est une opposition de conscience et non une affaire de parti. Mais prenez cette chambre par la loyauté. Parlez-lui de Dieu, du roi, de la France. Au lieu de la calomnier, montrez-lui de la considération et de l'estime. Vous lui ferez faire des miracles. Le comble de la maladresse serait de prétendre la mener où vous désirez en lui débitant des maximes qu'elle repousse. Pensez-vous qu'il soit nécessaire de lui faire adopter quelques mesures dans le sens de ce que vous appelez les intérêts révolutionnaires? Gardez-vous de lui faire l'apologie de ses intérêts. Dites qu'une fatale nécessité vous presse, que le salut de la patrie exige ces nouveaux sacrifices, que vous en gémissez, que cela vous paraît affreux, que cela finira. Si la Chambre vous croit sincère dans votre langage, vous réussirez peut-être. Si vous allez, au contraire, lui déclarer que rien n'est plus juste que ce que vous proposez, qu'on ne saurait trop donner de gages à la Révolution, vous remporterez votre loi. Un ministre anglais est plus heureux, sa tâche est moins difficile. Chacun va droit au fait, à Londres, pour son intérêt, pour son parti. En France, les places données ou promises ne sont pas tout. L'opposition ne se compose pas des mêmes éléments. Note, réflexion politique. Une politesse vous gagnera ce qu'une place ne vous obtiendrait pas. Une louange vous acquerra ce que vous n'achèteriez pas par la fortune. Sachez encore et converser et vivre. La force d'un ministre français n'est pas seulement dans son cabinet. Elle est aussi dans son salon. Chapitre 29. Quel homme ne peut jamais être ministre sous la monarchie constitutionnelle? Partout où il y a une tribune publique, quiconque peut être exposé à des reproches d'une certaine nature ne peut être placé à la tête du gouvernement. il y a tel discours, tel mot qui obligerait un pareil ministre à donner sa démission en sortant de la Chambre. C'est cette impossibilité résultante du principe libre des gouvernements représentatifs que l'on ne sentit pas lorsque toutes les illusions se réunirent, comme je le dirai bientôt, pour porter un homme fameux au ministère, malgré la répugnance trop fondée de la couronne. L'élévation de cet homme devait produire l'une de ces deux choses, ou l'abolition de la charte, ou la chute du ministère à l'ouverture de la session. Se représente-t-on le ministre dont je veux parler, écoutant à la Chambre des députés la discussion sur les catégories, sur le 21 janvier, pouvant être apostrophée à chaque instant par quelques députés de Lyon, et toujours menacée du terrible « tu es ilié weir ». Les hommes de cette sorte ne peuvent être employés ostensiblement qu'avec les muets du sérail de Bajazet ou les muets du corps législatif de Buonaparte. Chapitre 30. Du ministère de la police. Qu'il est incompatible avec une constitution libre. Comme il y a des ministres qui ne peuvent l'être sous une monarchie constitutionnelle, il y a des ministères qui ne sauraient exister dans cette sorte de monarchie. C'est indiqué la police générale. Si la charte qui fonde la liberté individuelle est suivie, la police générale est sans action et sans but. Si la liberté individuelle est suspendue par une loi transitoire, on n'a pas besoin de la police générale pour exécuter la loi. En effet, si les droits de la liberté constitutionnelle sont dans toute leur plénitude et que néanmoins la police générale se permette les actes arbitraires qui sont de sa nature, tels que suppression d'ouvrages, visite domiciliaire, arrestation, emprisonnement, exil, la charte est anéantie. La police n'usera pas de cet arbitraire. Eh bien, elle est inutile. La police générale est une police politique. Elle tend à étouffer l'opinion ou à l'altérer. Elle frappe donc au cœur le gouvernement représentatif. Inconnu sous l'ancien régime, incompatible avec le nouveau. C'est un monstre né dans la fange révolutionnaire de l'accouplement de l'anarchie et du despotisme. Chapitre 31. Qu'un ministre de la police générale, dans une chambre des députés, n'est pas à sa place. Voyez un ministre de la police générale dans une chambre de députés. Qu'y fait-il ? Il fait des lois pour les violer, des règlements de mœurs pour les enfreindre. Comment peut-il sans dérision parler de liberté, lui qui, en descendant de la tribune, va faire arrêter un citoyen ? Comment s'exprimera-t-il sur le budget, lui qui lève des impôts arbitraires dont il ne rend compte à personne et pour lesquels il devrait être mis en accusation ? Quel représentant d'un peuple que celui-là qui donnerait nécessairement une boule noire contre toute loi tendant à supprimer les établissements de jeu, à fermer les lieux de débauche, parce que ce sont les égouts où la police puise ses trésors ? Enfin, les opinions seront-elles indépendantes en présence d'un ministre qui ne les écoute que pour connaître l'homme qu'il faut un jour dénoncer, frapper ou corrompre ? C'est le devoir de sa place. Véritablement, nous sommes ridicules. Nous prétendons établir parmi nous un gouvernement constitutionnel et nous ne nous apercevons seulement pas que nous voulons y faire entrer jusqu'aux institutions de Buonaparte. Chapitre 32. Impôts levés par la police. J'ai dit que la police levait des impôts qui ne sont pas compris dans le budget. Ces impôts sont au nombre de deux. Taxe sur les jeux, note. Il y a aussi une taxe sur les prostituées, mais elle est établie au profit d'une autre police. Taxe sur les journaux. La ferme des jeux rapporte plus ou moins. Elle s'élève aujourd'hui au-dessus de 5 millions. La contribution levée sur les journaux, pour être moins odieuse, n'en est pas moins arbitraire. La charte dit, article 47, la Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts. Article 48, aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi. Je ne suis pas assez ignorant des affaires humaines pour ne pas savoir que les maisons de jeu ont été tolérées dans les sociétés modernes. Mais quelle différence entre la tolérance et la protection, entre les obscures rétributions données à quelques commis sous la monarchie absolue, et un budget de 5 ou 6 millions levés arbitrairement par un ministre qui n'en rend point compte, et sous une monarchie constitutionnelle. Je le répéterai toujours. Donnez-moi le code de Constantinople, si vous voulez. Mais si j'ai la charte, je prétends qu'elle soit exécutée. Fin de la section 4.